Le lièvre et les hiboux. Fable. La nuit tombait. Les hiboux commençaient à voltiger dans la forêt, cherchant quelque butin. Un grand lièvre sauta dans la clairière et se promenait comme un fanfaron. Un vieux hibou jeta un coup d'œil sur le lièvre et s'assit sur une branche. Alors, un jeune hibou lui dit « Eh bien, pourquoi ne fais-tu pas la chasse à ce lièvre ?» Le vieux lui répondit « C'est au-dessus de mes forces. Il est trop gros. Si je lui enfonce mes pattes dans le dos, il peut m'entraîner dans le taillis. » Et le jeune hibou reprit « Eh bien, moi, je le saisirai d'une patte et de l'autre, je me retiendrai à un arbre. » Et le jeune hibou courut au lièvre, enfonça sa patte dans le dos de l'animal, à tel point que toutes ses griffes pénétrèrent dans les chairs. De l'autre patte, comme il l'avait dit, il se retint à un arbre. Le lièvre chercha à se dégager, tandis que le hibou murmurait en se cramponnant « Tu ne m'entraîneras pas !» Mais le lièvre donna une telle secousse qu'il déchira le hibou en deux.